Salut à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr, émission en direct des studios de Canal B en ce lundi 9 mars. Émission diffusée sur son blog asile35.blogspot.fr ou en streaming sur le mixcloud.com/redman. Également en diffusion à partir d'internet sur le site de Canal B. Et émission en hertzien à partir du 94 MHz, ce qui a failli ne pas avoir lieu ce soir pour cause de panne d'émetteur qui vient juste d'être réparée. Alors merci aux bonnes fées qui sont derrière les potards et l'émetteur de cette chère antenne de Canal B. Des bonnes fées, ou on pourrait même dire des sirènes, puisqu'il s'agit d'ondes radiophoniques. On va attaquer le programme de joyeuseté hebdomadaire de cette semaine avec une formation que je découvre avec ce deuxième disque. Il s'agit des Horse Lords et le disque Hidden Cities, publié par NNA Tapes en vinyle. C'est sorti à la fin de l'année 2014. Il s'agit d'un quatuor de Baltimore qui alterne des jams plutôt d'influence mat-rock, également assez connoté du côté du minimalisme répétitif, des musiques motoriques ou encore africaines. Ça alterne des pièces assez rock et aussi des textures électroniques. Un combo qui combine guitare, basse, sax, électronique et pas moins de deux kits de batterie. On va écouter un titre assez long pour démarrer le programme de cette semaine. Un titre donc, le titre qui démarre ce disque Hidden Cities par les Horse Lords. Le morceau s'intitule House East. We'll be right back. Une jam pour le moins hypnotique sur antenne du 94 MHz, quelque part entre cosmic, funk, rock, post-math et une inspiration à la Neue ou à la Cannes. Matinée d'influence un peu minimaliste, répétitive à l'américaine sur certaines des pièces de ce très bon disque Hidden Cities des Horse Lords, une formation donc du Maryland, de Baltimore, qui pratique le rock expérimental dansable. C'est sorti sur l'excellent label du Vermont NNA Tapes, qui s'est illustré ces derniers mois notamment par la production d'excellents free rock et notamment la musique des Guerillatos qu'on avait eu l'occasion de vous passer dans l'Asile le plus sûr. Quant aux Horse Lords que je découvre avec ce Hidden Cities, ils ont sorti précédemment un certain nombre de mixtapes autoproduites ainsi qu'un premier album long qui était publié sur un label de Baltimore qui répond au nom de IHS Records, qui comptait deux longues pièces de 20 minutes. Et si leur musique vous branche, je ne peux que vous conseiller un live de début du mois de février à l'Union Pool du côté de Brooklyn, qui est disponible sur l'excellent site New York City NYC Taper, taper.com, un blog dédié à la musique live avec pas mal de formations américaine, notamment dans les derniers mois sur ce même site, un live du groupe Helmet ou encore de A Place to Bury Strangers. On vous mettra ça d'ailleurs en lien sur le site de l'émission. On va continuer avec tout autre chose et on va faire un sacré flashback. On va retourner vers 1981 avec les Inflatable Boy Clams, qui était un double 45 tours qui était sorti sur Subterranean Records, qui était le premier label industriel de San Francisco, qui produisait notamment la musique de Factrice, de Flipper, de Helios Creed ou encore de Monte Casaza. Inflatable Boy Clams, qui est une vraie découverte en ce qui me concerne, puisque ça n'avait pas été réédité, même en CD à ce jour. Cette rareté qui atteint des sommes assez folles sur eBay, qui vient tout juste de revoir le jour grâce au label spécialisé dans les rééditions vinyliques, également basé à San Francisco, l'excellent label Superior Viaduct. Et il s'agissait donc d'un one-shot d'un groupe d'art punk assez provocateur mené par quatre donzelles pour le moins radicales dans le genre, qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de no wave de la côte ouest, un peu façon Tuxedo Moon à l'époque. Des titres donc qui font un peu partie de ce que l'Amérique a pu enfanter depuis un incroyable au début des années 80. Carole Detweiler, Jojo Plantine, Julie Giselson et Geneviève Boutet de Montvel, qui ont fait partie d'une autre formation tout aussi obscure, à peu près à la même époque, également rééditée chez Superior Viaduct, le groupe Pink Section. Superior Viaduct qui a sorti un vinyle qui réunit leur EP, les premières démos et du live. Mais je propose d'écouter ce titre digne de la célébration d'Halloween, le morceau Skeletons, qui sera enchaîné avec Snowtelex, qui était la face B du premier 45 tours de cette excellente formation, les Inflatable Boy Clams. Deux titres extraits des bas-fonds des années 80 sur l'antenne du 94 MHz dans les îles les plus sûres. Deux morceaux, on pourrait dire, deux trésors cachés. Je crois qu'on appelait ça comme ça il y a de ça quelques années. Tout d'abord, les Inflatable Boy Clams, le groupe de Geneviève Boutet de Montvel et ses copines de la formation de San Francisco, Pink Section. Alors, il se passait vraiment des drôles de choses par là-bas à cette époque. Formation un peu façon Residence, façon Divo ou Lydia Lunch sur certaines pièces. Donc un côté un peu no wave. Vraiment de la musique de traverse très très underground pour l'époque. Et un double 45 tours qui n'avait pas été réédité à ce jour. Et c'est chose faite grâce à l'excellent label de San Francisco, Superior Viaduct. Et c'est une sacrée découverte que la musique de Pink Section et surtout ce double de Inflatable Boy Clamps qui était enchaîné avec une formation un peu plus connue, en tout cas en ce qui me concerne. Il s'agissait du groupe britannique Officer et le 45 tours Life at Water Edge, publié par Blackest Ever Black en début d'année. Deux titres qui étaient extraits d'une cassette qu'avait sorti le label de Reims Aya Records en 1983, ou plus exactement AAA, comme s'appelait l'association rémoise. C'était l'acronyme de Allotone Alité pour les manifestations qu'ils organisaient et aussi l'excellente distribution de disques fantabulesques pendant toutes les années 80. Donc deux titres rares de cette cassette qui contenait pas moins de 8 chansons par le britannique Micops et sa formation Officer, qui reprend pas mal de services depuis un an après la réédition du LP Ossification de 1984, qui était également sorti d'ailleurs chez Aya à l'époque, et le double florilège de pièces inédites qui sont sorties au printemps de l'année dernière sur le même Blackest Ever Black, qui récidive donc avec ce 45 tours sur lequel on retrouvait Alec Fodor de Family Fodor, ce qui donnait peut-être un peu le côté pop de ce titre de Officer. Et il y avait aussi Rick Wilson de The Work et pas mal d'autres gens de cette formation de l'après Canterbury, ou encore Rock in Opposition britannique. Si vous intéressez aux musiques telles que This It par exemple, c'est un peu toute cette même famille musicale anglaise de la première moitié des années 80. Voilà donc pour Officer. On va enchaîner avec tout autre chose et un hommage rendu au joyau de la musique minimale répétitive, le fameux morceau en 53 patterns de musique répétitive et spontanée de monsieur Terry Riley. La pièce INSEE qui vient de fêter ses 50 ans au mois de novembre dernier, avec la parution d'un disque qui reprend ce titre d'une heure un quart, par un ensemble qui rassemble des musiciens maliens. Le groupe African Express, qui est un orchestre réuni du côté de Bamako à la maison des jeunes par des musiciens traditionnels qui jouent des koras, des balafons, des calabashes, des djembés et autres kalimba. Et cet orchestre a une certaine particularité aussi, puisqu'il est mené par André De Ridder, chef d'orchestre rock qu'on connaît comme directeur musical de Gorillaz, aux côtés de Damon Albarn, qui est également présent sur cet enregistrement. Il joue du mélodica, de même que Brian Eno, qui fait quelques spoken words sur cette pièce. Et il s'agit d'un disque, donc une création, une restitution du INSEE de Terry Riley, qui est publié sous le titre African Express Presents Terry Riley INSEE in Mali. Et il y avait eu un précédent disque collégial et transcontinental qui s'appelait Maison des Jeunes, qui était sorti l'an dernier également et qui réunissait un peu tout ce monde-là, donc les musiciens maliens et aussi des gens tels que Nick Zinner de Ye Ye, ou encore le chanteur de Métronomie Olubenga Adela Khan, qui lui est d'origine nigériane. Voilà donc des musiciens rock qu'on n'a pas l'habitude de citer dans Les Îles les plus sûres. En tout cas, la pièce est assez formidable, cette version de INSEE, dont on va écouter peut-être un quart, on va dire, de ce African Express Presents Terry Riley. Toujours très difficile de couper des morceaux de trance tels que celle-ci. On écoute African Express Presents Terry Riley in Sea Mali, publié en CD chez Transgressive Records, donc un hommage à la fameuse pièce créée le 4 novembre 1964 à San Francisco par le compositeur minimaliste américain. Une interprétation donc par un ensemble de musiciens maliens et américains et anglo-saxons, dans lequel on retrouve d'ailleurs Damon Albarn de Gorillaz et son acolyte André De Ridder qui fait la conduction de l'orchestre. Alors, ces dernières années, on avait pu entendre des orchestres extra-occidentaux, je pense notamment au gamelan javanais Sangar Serraken de Bali, qui jouait la musique de John Cage ou encore de Steve Reich. Et donc les musiciens africains, cette fois-ci du Mali, qui rejouent Terry Riley. Donc la boucle est bouclée après que les compositeurs minimalistes aient se soient beaucoup inspirés de musiques extra-occidentales. Je pense notamment à monsieur Colin McPhee ou encore à pas mal d'autres gens. Colin McPhee, qui était un compositeur qui avait vécu en Indonésie et qui avait apporté les rythmes pentatonique et les patterns rythmiques indonésiens dans les musiques minimales répétitives aux États-Unis. Terry Riley également s'est beaucoup inspiré de l'Inde, par exemple. Quant à Steve Reich, il suffit d'écouter son drumming pour se rendre compte aussi de tout l'héritage et de tout ce qu'ils doivent aux musiques extra-occidentales. Et donc la boucle est bouclée avec ce African Express Presents Terry Riley in Sea in Mali, que je vous recommande bien chaudement. On va continuer avec une formation, cette fois-ci de Copenhague. Là encore, c'est un ensemble féminin, deux batteuses, sax, trombone modifié, synthé et violon. Elles répondent au nom de Selvanter. J'ai eu l'occasion de vous en parler dans l'Asile le plus sûr. Elles viennent de faire paraître leur deuxième disque en date, en vinyle, sous le titre Motions of Large Bodies, deuxième album long pour ce quintet. Le précédent était sorti à la fin de l'année 2012 et il était beaucoup plus connoté du côté de l'impro libre. Celui-ci a un côté nettement plus rock et polyrythmique, quasiment groove, on pourrait dire, mais un groove démantibulé, comme aurait pu le dire Albert Marker, phagocyté ou menacé d'absorption par le bruit blanc. Et il y a une très grande variété sur ce Motions of Large Bodies dans la palette sonore, entre la musique de The Thing de Mats Gustafsson et certaines expérimentations de Sun Ra ou encore les musiques de trance. On va écouter un titre quasiment dansant de cet album de Selvanter, le morceau Golden Boy. Une séquence en forme d'uppercut sonore pour réveiller vos enceintes qui a démarré avec la formation danoise Selvhunter, quintette féminin qui vient de produire ce deuxième disque Motions of Large Bodies qui est très très recommandable. Je ne sais pas trop où elles vont aller avec ce genre de musique, en tout cas elles y vont droit devant. Ces danoises qu'on avait découvert avec leur premier disque qui était beaucoup plus du côté du jazz free et libre, et là c'est une sorte de tambouille électroacoustique assez groovy, polyrythmique sur pas mal de pièces. C'est assez réussi ce disque de Selvhunter, Motions of Large Bodies, qui était enchaîné avec une découverte de cette semaine. Il s'agit de Fallopian Disco Force, qui est un trio basé à Tokyo qui officie apparemment depuis la fin des années 80 dans une tambouille électronique, sample, breakbeat et batterie sous acide, un peu la rencontre entre Venetian Snares, les Boredoms, le Ground Zero, le premier groupe d'Otomo Yoshide et une sorte de grind jazz. Donc il s'agit de leur cinquième album qui vient de sortir pour ce Fallopian Disco Force. Ça s'intitule Black Larven Roller, cinquième opus, mais la moitié de leur disque était précédemment sorti de manière assez confidentielle en CDR, donc on pourrait dire qu'il s'agit presque de leur premier disque publié en vinyle, cette fois-ci sur une toute jeune marque de disques, avec une pochette très très psychédélique, donc une sorte de rencontre entre grindcore, pop asiatique et rock turc, comme ils aiment à le dire, les Fallopian Disco Force. L'album est vraiment comme ça du début à la fin, donc il faut s'accrocher, mais c'est assez formidable à l'écoute. On va continuer avec un jeune trio que je découvre là encore, qui répond au doux nom de Trio Riot. Il s'agit d'un premier album, si je ne m'abuse, sorti par le label de Manchester, EFPI Records. Et ce trio réunit un batteur et deux saxophonistes, dont une norvégienne, Mette Rasmussen, qui elle est à l'alto et qui devrait d'ailleurs sortir un disque au mois de mai chez Relative Pitch en compagnie de Chris Corsano, ce qui laisse un peu imaginer le talent de la demoiselle, puisque ce sont des gens très très jeunes, ces Trio Riot. Ils ont à peu près 25 ans au compteur. Et un autre saxophoniste, Sam Andrea, qui est lui au ténor et qui produit d'ailleurs sur son propre label EFP Records ce disque en CD. Et quant au batteur, lui il est d'origine suisse, il répond au nom de David Meyer, et on l'a rencontré dans cette même émission il y a peu au sein de Schneller Toller Meyer, comme quoi tout se recoupe dans l'asile le plus sûr, donc qui ont eux sorti un excellent disque sur le label Cuneiform. Donc il fait partie de cette formation, ainsi que de Day and Taxi, qui est un combo de jazz contemporain mené par Christophe Gallio. Et là je vous propose donc d'attaquer avec un titre de Trio Riot, ce disque éponyme, et le morceau qui s'intitule Rondo. Alors Rondo, je crois que c'est une sorte de danse de Gascogne ou de Belgique. En tout cas c'est un très beau morceau de Free par le Trio Riot. We'll be right back.

Une séquence de jazz free qui décoiffe avec le duo entre Wiesel Walter des Flying Lutton Bakers et Cellular Chaos et Chris Pitsiokos. C'est surtout pour celui-ci que je vous passais cette séquence. Autant le batteur américain, on le connaît depuis une bonne vingtaine d'années dans le free rock et le jazz le plus extrême, autant ce jeune saxophoniste et improvisateur qui doit avoir à tout casser 25 ans et à suivre de très très près. On a pu le découvrir ces dernières années dans un trio du même Wiesel Walter en compagnie de Ron Anderson des Molecules. Il a joué aussi récemment aux côtés de Henry Kaiser et du même Wiesel Walter, notamment on a pu entendre sur l'antenne de la radio du New Jersey WFMU dans le show de Brian Turner. Et il collabore ces dernières années aux côtés de Lydia Lunch, Peter Evans, Kevin Shi ou encore Elliot Sharp. Donc autant dire que ce saxophoniste Chris Pitsiokos est vraiment à suivre de toute urgence, et notamment sur ce disque Drone Unquartered, donc un disque qui ne fait pas de quartier, publié en vinyle par One End Records. C'est tout frais, ça vient de sortir au mois de février. Et juste avant, on entendait un autre jeune trio dans lequel officie la saxophoniste d'origine norvégienne Mette Rasmussen. Le trio Riot, le bien nommé, et un disque qui vient tout juste de sortir, non, qui est sorti au printemps de l'année 2014, pardon, sur le label FPI Records, label mancunien. Voilà donc pour le trio Riot. On va continuer toujours plutôt avec des musiciens d'Europe du Nord, après les Danoises et la Norvégienne, place à trois Norvégiens. Il s'agit du projet Huntsville et un cinquième disque en date. Les deux premiers, on avait pu les écouter sur l'excellent label Rune Gramophone. Il y avait eu un double qui était vraiment brillantissime de cette formation Huntsville. Il s'intitulait Echo Arches and Eras. Les deux suivants étaient sortis chez Ubro Records, qui récidive avec ce disque Pond. Et Huntsville, c'est un projet qui réunit trois musiciens qu'on rencontre assez souvent du côté du jazz contemporain et des musiques improvisées et expérimentales, notamment Ingar Sash, le percussionniste qui s'occupe du label Sofa, Ivar Grideland, qui lui est un guitariste électroacoustique, et Tony Fluft, Kluften, Kluften, c'est pas facile à dire, contrebasse amplifiée, ah, une musique toujours assez dronesque avec des continuums sonores, ça peut faire penser à la musique, je sais pas, de Trappist ou encore de The Next, les Australiens, donc des continuums sonores électroacoustiques qui font visiter pas mal de paysages imaginaires, on pourra s'en rendre compte avec un extrait de ce disque Pond du projet Huntsville. Alors comme les pièces font à peu près un quart d'heure, je vous ai sélectionné un extrait du troisième titre qui s'intitule Age par Huntsville. Thank you. Un extrait des continuums sonores du disque Pond de cette excellente formation norvégienne Huntsville, avec ce disque donc sorti par le label Ubro, qui est très actif en ce début d'année 2015, la firme du Hibou, puisque Ubro c'est le nom en norvégien du Grand-Duc. Et ils ont publié notamment un disque que j'avais passé avec le batteur de Huntsville, Ingar Sash, la formation La Field, où on le retrouve aux côtés du guitariste David Stakenas et également de Giuseppe Yalasi sur le Bucket of Songs. Et ils ont sorti encore deux autres disques depuis, donc très très actifs, l'excellent label Ubro qui illustre et défend les musiques norvégiennes ou d'Europe du Nord depuis 4-5 ans de manière assez remarquable. Voilà, l'émission est quasiment terminée. Je voulais vous signaler dans le programme hebdomadaire des réjouissances en cette fin de semaine à Rennes, du côté de la Maison de la Grève et de la rue Le Graveran. Vous pourrez assister au film de combat, du côté de la cause noire et du funk free de Melvin Van Peebles, Sweet Sweetbacks Badass Song, projection à la Maison de la Grève ce jeudi 12 mars. Également dans cette même maison, le concert de Rien Virgule, originaire de Bordeaux et de Dordogne, sorte de mélange de noise chanté et de jazz trancé, comme c'est mis sur le programme. Donc ce dimanche 15 mars à la Maison de la Grève, rue Le Graveran, à 20h30, avec une entrée en prix libre. Et vous pouvez y retrouver notamment Manu de France Sauvage ou encore Mathias Pontevia à la batterie, accompagné par d'autres musiciens. Je crois qu'il y a une chanteuse électroacousticienne et sans doute une ou deux autres personnes dans cette formation Rien Virgule. Également à la Maison de la Grève la semaine prochaine, concert le 20 mars avec une perf électronique qui risque d'être assez furieuse de Heroskin. Et un duo batterie harpe amplifiée et électroacoustique reprenant le son du batteur de Helvet Rum, formation autour du collectif Quax. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, puisque ce sera donc un concert le vendredi 20 mars. Tout ça à la Maison de la Grève. Plus d'informations sur leurs activités sur maisondelagreve.boom.org. On se quitte avec la musique de Sarah Devechi, jeune compositrice électroacoustique d'origine canadienne. Alors c'est un peu pareil que les musiciens qu'on entendait précédemment. Elle est très jeune, elle n'a même pas 30 ans, donc c'est un peu le soulèvement de la jeunesse dans l'asile le plus sûr. Elle s'était spécialisée dans les synthétiseurs modulaires de type Buchla, Synthi de chez EMS et autres Prophet 5. Elle combine ça à une approche acoustique sur différents instruments de type violoncelle, harmonium, violon, alto, dans un registre son, tenue et minimalisme un peu façon Eliane Radig. Le label de Cincinnati, Students of Decay, vient de faire paraître son premier album long sous le titre Baron's Court, premier album officiel. Les précédents été sortis en cassette, notamment dans la petite division Cassona Records du label Important. Et à noter que ce 33 tours Baron's Court est accompagné lui aussi d'une cassette de 20 minutes pour les plus chanceux d'entre vous, puisqu'il s'agit des 50 premières copies de ce disque sorti au mois de février. On se quitte donc avec un extrait de ce Baron's Court par Sarah Devecchi. Je vous rappelle que l'intégralité de cette émission est réécoutable à partir du blog asile35.blogspot.fr. Également, donc ça c'est pour le podcast, également les playlists et les commentaires, et également en stream à partir du mixcloud.com. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute du 94 MHz et je vous dis à bientôt.